La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas. Tome 3e, chapitre 75e. Ce que le roi avait dit, ce qu'avait dit la reine. Albert s'acquitta scrupuleusement de la double promesse faite à Mirabeau. En rentrant dans Paris, il rencontra Camille Desmoulins, la Gazette Vivante, le journal incarné du temps. Il lui annonça la maladie de Mirabeau, qu'il fit avec intention plus grave. Non pas qu'elle ne pouvait devenir si Mirabeau faisait quelque nouvelle imprudence, mais qu'elle n'était en ce moment. Puis il alla aux Tuileries et annonça cette même maladie au roi. Le roi se contenta de dire « Ah, pauvre comte, et a-t-il perdu l'appétit ?»« Oui, sire, » répondit Gilbert. « Alors c'est grave, » dit le roi, et il parla d'autre chose. Gilbert, en sortant de chez le roi, entra chez la reine et lui répéta la même chose qu'il avait dite au roi. Le front hautain de la fille de Marie-Thérèse se plissa. « Pourquoi, dit-elle, cette maladie ne l'a-t-elle pas encore pris le matin du jour où il a fait son beau discours sous le drapeau tricolore ?» Puis, comme si elle se repentait d'avoir laissé échapper devant Gilbert l'expression de sa haine pour ce signe de la nationalité française, « N'importe, dit-elle, ce serait bien malheureux pour la France et pour nous si cette indisposition faisait des progrès. » « Je croyais avoir eu l'honneur de dire à la reine, répéta Gilbert, que c'était plus qu'une indisposition, que c'était une maladie. « Dont vous vous rendrez maître, docteur ?» dit la reine. « J'y ferai mon possible, madame, mais je n'en réponds pas. « Docteur, dit la reine, je compte sur vous, vous entendez bien ?»« Pour me donner des nouvelles de monsieur de Mirabeau. » Et elle parla d'autre chose. Le soir, à l'heure dite, Gilbert montait l'escalier du petit hôtel de Mirabeau. Mirabeau l'attendait couché sur une chaise longue, mais comme on l'avait fait demeurer quelques instants au salon, sous prétexte de prévenir le comte de sa présence, Gilbert jeta en entrant un regard autour de lui, et ses yeux s'arrêtèrent sur une écharpe de cachemire oubliée sur un fauteuil. Mais, soit pour détourner l'attention de Gilbert, soit qu'il attachât une grande importance à la question qui devait suivre les premières paroles échangées entre lui et le docteur, « Ah, dit Mirabeau, c'est vous. J'ai appris que vous aviez déjà tenu une partie de votre promesse. Paris sait que je suis malade, et le pauvre Tèche n'a pas, depuis 2 heures, été 10 minutes sans donner de mes nouvelles à mes amis, qui viennent voir si je vais mieux, et peut-être à mes ennemis, qui viennent voir si je vais plus mal. Voilà pour la première partie. Maintenant, avez-vous été aussi fidèle à la seconde ? Que voulez-vous dire ? Demanda Gilbert en souriant. Vous le savez bien. Gilbert haussa les épaules en signe de négation. Avez-vous été aux Tuileries ? « Oui. Avez-vous vu le roi ? Oui. Avez-vous vu la reine ? Oui. Et vous leur avez annoncé qu'ils seraient bientôt débarrassés de moi ? Je leur ai annoncé que vous étiez malade, du moins. Et qu'ont-ils dit ? Le roi a demandé si vous aviez perdu l'appétit. Et sur votre réponse affirmative, il vous a plaint, très sincèrement. Bon roi, le jour de sa mort, il dira à ses amis comme Léonidas, « Je soupe ce soir chez Pluton. » Mais la reine vous a plaint. Et s'est informé de vous avec intérêt. En quels termes, docteur ? Dit Mirabeau, qui attachait évidemment une grande valeur à la réponse qu'allait lui faire Gilbert. Mais en très bons termes, dit le docteur. Vous m'avez donné votre parole de me répéter textuellement ce qu'elle vous aurait dit. Oh, je ne saurais me rappeler mot pour mot, docteur. Vous ne l'avez pas oublié une syllabe, je vous jure. Docteur, j'ai votre parole. Voulez-vous que je vous traite d'homme sans foi ? Vous êtes exigeant, comte. « Voilà comme je suis. Vous voulez absolument que je vous répète les paroles de la reine, mot pour mot. »« Eh bien, elle a dit que cette maladie aurait dû vous prendre le matin du jour où vous avez défendu à la tribune le drapeau tricolore. » Gilbert voulait juger de l'influence que la reine avait sur Mirabeau. Celui-ci bondit sur sa chaise longue comme s'il eût été mis en contact avec une pile de Volta. « Ingratitude des rois » murmura-t-il. « Ce discours a suffi pour lui faire oublier la liste civile des 24 millions du roi. » Et son douaire de 4 millions à elle. Mais elle ne sait donc pas, cette femme, elle ignore donc, cette reine, qu'il s'agissait de reconquérir d'un seul coup ma popularité perdue pour elle. Mais elle ne se souvient non plus que j'ai proposé l'ajournement de la réunion d'Avignon à la France pour soutenir les scrupules religieux du roi. Faute. Elle ne se souvient non plus que pendant ma présidence aux Jacobins, présidence de 3 mois qui m'a pris 10 ans de ma vie, j'ai défendu la loi de la garde nationale restreinte aux citoyens actifs, faute. Elle ne se souvient non plus que dans la discussion à l'Assemblée du projet de loi sur le serment des prêtres, j'ai demandé qu'on restreignît le serment aux prêtres confesseurs, faute. Oh, ces fautes, je les ai bien payées, continua Mirabeau. Et cependant, ce ne sont point ces fautes qui m'ont fait tomber. Car il y a des époques étranges, singulières, anormales, où l'on ne tombe point par les fautes que l'on commet. Un jour, pour eux encore, j'ai défendu une question de justice, d'humanité. On attaquait la fuite des tentes du roi. On proposait une loi contre l'émigration. « Si vous faites une loi contre les émigrants, » le sujet criait, « je jure de n'y obéir jamais. » Et le projet de loi a été rejeté à l'unanimité. Eh bien, ce que n'avaient pu faire mes échecs, mon triomphe l'a fait. On m'appelait dictateur. On m'a lancé à la tribune par la voix de la colère, la pire déroute que puisse prendre un orateur. Je triomphais une seconde fois, mais en attaquant les Jacobins. Alors les Jacobins jurèrent ma mort, les niais. Duport, Lamette, Barnave, ils ne voient pas qu'en me tuant, ils donnent la dictature de leur tripot à Robespierre. Moi, qu'ils eussent eu gardé comme la prunelle de leurs yeux, ils m'ont écrasé sous leur stupide majorité. Ils ont fait couler sur mon front la sueur de sang. Ils m'ont fait boire le calice d'amertume jusqu'à la lie. Ils m'ont couronné d'épines, mis le roseau entre les mains, crucifié, enfin. Heureux d'avoir subi cette passion, comme le Christ, pour une question d'humanité. Le drapeau tricolore, il ne voit donc pas que c'est le seul refuge. Que s'il voulait venir légalement, publiquement, s'asseoir à son ombre, cette ombre les sauverait encore, peut-être. Mais la reine, elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vengée. Elle ne goûte aucune idée raisonnable. Le moyen que je propose, comme étant le seul efficace, est celui qu'elle repousse le plus. Être modéré, être juste, et autant que possible avoir toujours raison. J'ai voulu sauver deux choses à la fois, la royauté et la liberté. Lutte ingrate, dans laquelle je combats seul, abandonné, contre quoi? Si c'était contre des hommes, ce ne serait rien. Contre des tigres, ce ne serait rien. Contre des lions, ce ne serait rien. Mais c'est contre un élément, contre la mer, contre le flot qui monte, contre la marée qui grandit. Hier, j'en avais jusqu'à la cheville. Aujourd'hui, j'en ai jusqu'au genou. Demain, j'en aurai jusqu'à la ceinture. Après-demain, par-dessus la tête. Aussi, tenez, docteur, il faut que je sois franc avec vous. Le chagrin m'a pris d'abord, puis le dégoût. J'avais rêvé le rôle d'arbitre entre la Révolution et la monarchie. Je croyais prendre ascendant sur la reine comme homme. Et comme homme, un beau jour qu'il se serait aventuré imprudemment dans le fleuve et aurait perdu pied, me jeter à l'eau et la sauver. Mais non, on a voulu me compromettre, me dépopulariser, me perdre, m'annihiler, me rendre impuissant au mal comme au bien. Aussi maintenant, ce que j'ai le mieux à faire, docteur, je vais vous le dire, c'est de mourir à temps. C'est surtout de me coucher artistement comme l'athlète antique. C'est de tendre la gorge avec grâce. C'est de rendre le dernier soupir convenablement. Et Mirabeau se laissa retomber sur sa chaise longue dont il mordit l'oreiller à pleines dents. Gilbert savait ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire où était la vie et la mort de Mirabeau. « Comte, demanda-t-il, que diriez-vous si demain le roi envoyait prendre de vos nouvelles ?» Le malade fit un mouvement des épaules qui voulait dire « cela me serait bien égal ». « Le roi ou la reine ?» ajouta Gilbert. « Hein ?» fit Mirabeau en se redressant. « J'ai dit le roi ou la reine ?» répéta Gilbert. Mirabeau se souleva sur ses deux poings comme un lion accroupi et essaya de lire jusqu'au fond du cœur de Gilbert. « Elle ne le fera pas, » dit-il. « Mais enfin, si elle le faisait. »« Vous croyez, » dit Mirabeau, « qu'elle descendrait jusque-là ? » ?»« Je ne crois rien, je suppose, je présume. »« Soit, » dit Mirabeau, « j'attendrai jusqu'à demain au soir. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Prenez les mots dans le sens qu'ils ont, docteur. » Et ne voyez pas en eux autre chose que ce qu'ils veulent dire. J'attendrai jusqu'à demain au soir. Et demain au soir? Eh bien, demain au soir? Si elle l'a envoyé, docteur, si par exemple M. Weber est venu, vous avez raison. Et c'est moi qui ai tort. Mais si au contraire il n'est pas venu, ou alors c'est vous qui avez tort, docteur, et c'est moi qui ai raison. Soit, à demain au soir. Jusque-là, mon cher Démosthène, du calme, du repos, de la tranquillité. Je ne quitterai pas ma chaise longue. Et cette écharpe ? Gilbert montra du doigt l'objet qui le premier avait frappé ses yeux en entrant dans la chambre. Mirabeau sourit. « Parole d'honneur, » dit-il. « Bon, » dit Gilbert, « tâchez de passer une nuit paisible et je réponds de vous. » Et il sortit. À la porte, Tèche l'attendait. Eh bien, mon brave Tèche, ton maître va mieux, dit le docteur. Le vieux serviteur secoua tristement la tête. Comment ? Reprit Gilbert. Tu doutes de ma parole ? Je doute de tout, monsieur le docteur, tant que ce mauvais génie sera près de lui. Et il poussa un soupir en laissant Gilbert dans l'étroit escalier. À l'angle d'un des paliers, Gilbert vit comme une ombre voilée qui l'attendait. Cette ombre, en l'apercevant, jeta un léger cri et disparut derrière une porte entr'ouverte pour lui faciliter cette retraite qui ressemblait à une fuite. « Quelle est cette femme ?» demanda Gilbert. « C'est elle, » répondit-je. « Qui elle ?»« La femme qui ressemble à la reine. » Gilbert, pour la seconde fois, parut frappé de la même idée en entendant la même phrase. Il fit deux pas en avant, comme s'il eût voulu poursuivre le fantôme. Mais il s'arrêta en murmurant « Impossible !» Et il continua son chemin, laissant le vieux domestique désespéré qu'un homme aussi savant que l'était le docteur n'entreprit point d'adjurer le démon qu'il tenait, dans sa conviction la plus profonde, pour un envoyé de l'enfer. Mirabeau passa une assez bonne nuit. Le lendemain de bonne heure, il appela Tèche, et il fit ouvrir ses fenêtres pour respirer l'air du matin. La seule chose qui inquiéta le vieux serviteur, c'était l'impatience fébrile à laquelle le malade paraissait en proie. Quand, interrogé par son maître, il avait répondu qu'il était 8 heures à peine, Mirabeau n'avait pas voulu le croire et s'était fait apporter sa montre pour s'en assurer. Cette montre, il l'avait posée sur la table à côté de son lit. « Tèche, dit-il au vieux domestique, vous prendrez en bas la place de Jean, qui fera aujourd'hui le service près de moi. »« Oh mon Dieu, dit Tèche, aurais-je eu le malheur de mécontenter monsieur le comte ?»« Au contraire, mon bon Tèche, dit Mirabeau attendri, c'est parce que je ne me fie qu'à toi que je te place aujourd'hui à la porte. À chaque personne qui viendra demander de mes nouvelles, tu diras que je vais mieux, mais que je ne reçois pas encore. Seulement si l'on vient de la part de la... » Mirabeau s'arrêta et se reprit. « Seulement si l'on vient du château, si l'on envoie des Tuileries, tu feras monter le messager, tu entends bien ? Sous quelque prétexte que ce soit, tu ne le laisseras en aller sans que je lui parle. Tu vois, mon bon Tèche, qu'en t'éloignant de moi, je t'élève à l'emploi de confident. » Tèche prit la main de Mirabeau et la baisa. « Oh, monsieur le comte, dit-il, si seulement vous vouliez vivre !» Et il sortit. « Parbleu, dit Mirabeau en le regardant s'éloigner, voilà justement le difficile. » À 10 heures, Mirabeau se leva et s'habilla avec une sorte de coquetterie. Jean le coiffa et le rasa, puis il lui approcha un fauteuil de la fenêtre. De cette fenêtre, il y pouvait voir dans la rue. À chaque coup de marteau, à chaque vibration de la sonnette, on eût pu voir de la maison d'en face son visage anxieux apparaître derrière le rideau soulevé, son regard perçant plonger jusque dans la rue. Puis le rideau retombait pour se relever de nouveau à la prochaine vibration de la sonnette, au prochain coup de marteau. À 2 heures, Tèche monta suivi d'un laquais. Le cœur de Mirabeau battit violemment. Le laquais était sans livrée. La première idée qui lui passa par l'esprit, c'est que cette espèce de grison venait de la part de la reine, et ainsi vêtu pour ne point compromettre celle qu'il envoyait. Mirabeau se trompait. « De la part de monsieur le docteur Gilbert, » dit-je. « Ah !» fit Mirabeau, en pâlissant, comme s'il eût eu 25 ans, et que, attendant un messager de madame de Monnier, il vit arriver un coureur de son oncle le bailli. « Monsieur, » dit-je, « comme ce garçon vient de la part de monsieur le docteur Gilbert, et qu'il est porteur d'une lettre pour vous, j'ai cru pouvoir faire en sa faveur une exception à la consigne. » « Et tu as bien fait, » dit le comte. Puis au laquais, « La lettre » demanda-t-il. Celui-ci la tenait à la main et la présenta au comte. Mirabeau l'ouvrit. Elle ne contenait que ces quelques mots. « Donnez-moi de vos nouvelles. Je serai chez vous à 11 heures du soir. J'espère que le premier mot que vous me direz, c'est que j'avais raison et que vous aviez tort. Tu diras à ton maître que tu m'as trouvé debout et que je l'attends ce soir, » dit Mirabeau au laquais. Puis, à Tèche, « Que ce garçon s'en aille content, » dit-il. Tèche fit signe qu'il comprenait et emmena le grison. Les heures se succédèrent. La sonnette ne cessait de vibrer, le marteau de retentir. Paris tout entier s'inscrivait chez Mirabeau. Il y avait dans la rue des groupes d'hommes du peuple qui, ayant appris la nouvelle, non pas telle que les journaux l'avaient dite, ne voulaient pas croire au bulletin rassurant de Tèche et forçaient les voitures de prendre à droite et à gauche de la rue pour que le bruit des roues ne fatiguât point l'illustre malade. Vers les 5 heures, Tèche jugea à propos de faire une seconde apparition dans la chambre de Mirabeau afin de lui annoncer cette nouvelle. « Ah ! » dit Mirabeau, En te voyant, mon pauvre Tesh, j'avais cru que tu avais quelque chose de mieux à m'apprendre. Quelque chose de mieux ? Dit-elle étonnée. Je ne croyais pas que je puisse annoncer à monsieur le comte quelque chose de mieux qu'une pareille preuve d'amour. Tu as raison, Tesh, dit Mirabeau, et je suis un ingrat. Aussi, quand Tesh eut refermé la porte, Mirabeau ouvrit-il la fenêtre. Il s'avança sur le balcon et fit de la main un signe de remerciement aux braves gens qui s'étaient établis les gardiens de son repos. Ceux-ci le reconnurent et les cris de vive Mirabeau retentirent d'un bout à l'autre de la rue de la Chaussée-d'Antin. À quoi pensait Mirabeau pendant qu'on lui rendait cet hommage inattendu qui, en toute autre circonstance, eût fait bondir son cœur de joie? Il pensait à cette femme hautaine qui ne s'inquiétait point de lui et son œil allait chercher au-delà des groupes pressés aux alentours de sa maison s'il n'apercevait pas quelques laquais en livrée bleue venant du côté des boulevards. Il rentra dans sa chambre le cœur serré. L'ombre commençait à venir. Il n'avait rien vu. La soirée s'écoula comme la journée. L'impatience de Mirabeau s'était changée en une sombre amertume. Son cœur, sans espérance, n'allait plus au-devant de la sonnette ou du marteau. Non, il attendait, le visage empreint d'une sombre amertume, cette preuve d'intérêt qui lui était presque promise et qui n'arrivait pas. À 11 heures, la porte s'ouvrit et Tesh annonça le docteur Gilbert. Celui-ci entrait souriant. Il fut effrayé de l'expression du visage de Mirabeau. Ce visage était le miroir fidèle des bouleversements de son cœur. Gilbert se douta de tout. « N'est-on pas venu ? » demanda-t-il. « D'où cela ? » dit Mirabeau. « Vous savez bien ce que je veux dire. »« Moi, non, sur mon honneur. »« Du château ? » ?»« De sa part, au nom de la reine. »« Pas le moins du monde, mon cher docteur. Il n'est venu personne. » »« Impossible, » fit Gilbert. Mirabeau haussa les épaules. « Naïf homme de bien, » dit-il. Puis saisissant la main de Gilbert avec un mouvement convulsif, « Voulez-vous que je vous dise ce que vous avez fait aujourd'hui, docteur ? » demanda-t-il. « Moi ? » dit le docteur. « J'ai fait à peu près ce que je fais tous les jours. »« Non, car tous les jours vous n'allez pas au château. Et aujourd'hui vous y avez été. »« Non, car tous les jours vous ne voyez pas la reine et aujourd'hui vous l'avez vue. »« Non, car tous les jours vous ne vous permettez pas de lui donner des conseils et aujourd'hui vous lui en avez donné un. »« Allons donc ! » dit Gilbert. « Tenez, cher docteur, je vois ce qui s'est passé, et j'entends ce qui s'est dit comme si j'avais été là. » « Eh bien, voyons, monsieur l'homme à double vue, que s'est-il passé, que s'est-il dit ?»« Vous vous êtes présenté aux Tuileries aujourd'hui à 1 heure. Vous avez demandé à parler à la reine. Vous lui avez parlé. Vous lui avez dit que mon état empirait, qu'il serait bon à elle comme reine, bien à elle comme femme, d'envoyer demander des nouvelles de ma santé, sinon par sollicitude, du moins par calcul. Elle a discuté avec vous. Elle a paru convaincue que vous aviez raison. Elle vous a congédié en disant qu'elle allait envoyer chez moi. Vous êtes en allé heureux et satisfait, comptant sur la parole royale, et elle, elle est restée hautaine et amère, riant de votre crédulité, qui ignore qu'une parole royale n'engage à rien. Voyons, foi d'honnête homme, dit Mirabeau en regardant Gilbert en face, est-ce cela, docteur ? « En vérité, dit Gilbert, vous eussiez été là, mon cher comte, que vous n'eussiez pas mieux vu ni mieux entendu. »« Les maladroits, » dit Mirabeau avec amertume, « quand je vous disais qu'il ne savait rien faire à propos. La livrée du roi entrant chez moi aujourd'hui, au milieu de cette foule qui criait « Vive Mirabeau !» devant ma porte et sous mes fenêtres, le redonnait pour 1 an de popularité. » Et Mirabeau, secouant la tête, porta vivement la main à ses yeux. Gilbert, étonné, le vit essuyer une larme. « Qu'avez-vous dans le compte ? » lui demanda-t-il. « Moi, rien, » dit Mirabeau. « Avez-vous des nouvelles de l'Assemblée nationale, des Cordeliers ou des Jacobins ? Robespierre a-t-il distillé quelques nouveaux discours ou Marat vomi quelques nouveaux pamphlets ?»« Il y a longtemps que vous n'avez mangé ? » demanda Gilbert. « Pas depuis 2 heures de l'après-midi. »« En ce cas, vous allez vous mettre au bain, mon cher comte. » »« Tiens, en effet, c'est une excellente idée que vous avez là, docteur. Jean ?» Un bain. Ici, monsieur le comte ? Non, non, à côté, dans le cabinet de toilette. 10 minutes après, Mirabeau était au bain, et comme d'habitude, Tesh reconduisait Gilbert. Mirabeau se souleva de sa baignoire pour suivre des yeux le docteur. Puis, lorsqu'il l'eut perdu de vue, il tendit l'oreille pour écouter le bruit de ses pas. Puis, il resta immobile ainsi jusqu'à ce qu'il eût entendu s'ouvrir et se refermer la porte de l'hôtel. Alors, sonnant violemment, « Jean, fais dresser une table dans ma chambre et allez demander de ma part à Oliva si elle veut me faire la grâce de souper avec moi. » Puis comme le laquais sortait pour obéir, « Des fleurs, surtout des fleurs !» criait Mirbeau, « J'adore les fleurs !» À 4 heures du matin, le docteur Gilbert fut réveillé par un violent coup de sonnette. « Ah » dit-il en sautant en bas de son lit. « Je suis sûr que M. de Mirbeau est plus mal. » Le docteur ne se trompait pas. Mirbeau, après s'être fait servir à souper, après avoir fait couvrir la table de fleurs, avait renvoyé Jean et ordonné à Tèche d'aller se coucher. Puis il avait fermé toutes les portes, excepté celle qui donnait chez la femme inconnue que le vieux domestique appelait son mauvais génie. Mais les deux serviteurs ne s'étaient point couchés. Jean seulement, quoique le plus jeune, s'était endormi sur un fauteuil dans l'antichambre. Tèche avait veillé. À 4 heures moins un quart, un violent coup de sonnette avait retenti. Tous deux s'étaient précipités vers la chambre à coucher de Mirbeau. Les portes en étaient fermées. Alors ils eurent l'idée de faire le tour par l'appartement de la femme inconnue et purent pénétrer ainsi jusqu'à la chambre à coucher. Mirbeau, renversé, à demi évanoui, retenait cette femme entre ses bras, sans doute pour qu'elle ne pût pas appeler du secours, et elle, épouvantée, sonnait avec la sonnette de la table, n'ayant pu aller jusqu'au cordon de sonnette de la cheminée. En apercevant les deux domestiques, elle avait appelé autant à son secours qu'au secours de Mirbeau. Dans ses convulsions, Mirbeau l'étouffait. On eût dit la mort déguisée et essayant de l'entraîner dans le tombeau. Grâce aux efforts réunis des deux domestiques, les bras du moribond s'étaient écartés. Mirbeau était retombé sur son siège et elle, tout éplorée, était rentrée dans son appartement. Jean avait alors couru chercher le docteur Gilbert, tandis que Tèche essayait de donner les premiers soins à son maître. Gilbert ne prit ni le temps de faire atteler, ni celui de faire approcher une voiture. De la rue Saint-Honoré à la chaussée d'Antin, la course n'était pas longue. Il suivit Jean, et 10 minutes après, il était arrivé à l'hôtel de Mirbeau. Tèche attendait dans le vestibule du bas. « Eh bien, mon ami, qu'y a-t-il encore ?» demanda Gilbert. « Ah, monsieur, dit le vieux serviteur, cette femme, toujours cette femme, et puis ces maudites fleurs. Vous allez voir, vous allez voir !» En ce moment, on entendit quelque chose comme un sanglot. Gilbert monta précipitamment. Comme il arrivait aux dernières marches de l'escalier, une porte voisine de la porte de Mirbeau s'ouvrit et une femme enveloppée d'un peignoir blanc apparut tout à coup et vint tomber aux pieds du docteur. « Oh, Gilbert, Gilbert » dit-elle en lui jetant ses deux mains sur la poitrine. « Au nom du ciel, sauvez-le » « Nicole !» s'écria Gilbert. « Nicole ! Oh, malheureuse, c'était donc vous ! Sauvez-le, sauvez-le !» dit Nicole. Gilbert resta un instant comme abîmé dans une idée terrible. « Oh » murmura-t-il, Beau-Sire vendant des pamphlets contre lui. « Nicole, sa maîtresse. Il est bien véritablement perdu, car il y a du Cagliostro là-dessous. » Et il s'élança dans l'appartement de Mirbeau, comprenant bien qu'il n'y avait pas un instant à perdre.